Nous avons parlé de certains noms qui sont proches en français et en italien, comme vacances, vacanza ou situation, situazione. Maintenant, nous allons parler de certains verbes qui sont formés sur la même base qu'un nom et qui sont eux aussi proches dans les deux langues. Dans la plupart des cas, il suffit de remplacer la fin du nom par are. Par exemple, nous venons de voir que situation se dit situazione. Donc, situé se dira Situare. situare, c'est ça. C'est le même principe pour occupazione, occupation, qui donne un verbe que vous connaissez déjà, d'une certaine façon, occuper. Qui s'est dit? Occupare. Occupare, oui, que vous connaissez sous la forme occupato ou occupata. Comment dites-vous je suis très occupé maintenant? C'est une femme qui parle. Sono molto occupata ora. Sono molto occupata ora. À vous maintenant, la même phrase, mais cette fois, c'est un homme qui parle. Sono molto occupato ora. Attention, on insiste sur l'avant-dernière syllabe. Occupato. Sono molto occupato ora. Bien. Sono molto occupato ora. Il y a encore un verbe dont nous avons parlé plusieurs fois. Le verbe préparer, c'est-à-dire Préparare. préparare. À votre avis, quel est le nom correspondant à préparare? Comment dit-on préparation? Préparazione. C'est ça. Et comment direz-vous je suis en train de le préparer? Lo preparare ora. Non, non. C'est sto preparare. Non. Lo sto preparare ora. Preparendo. Je suis en train de. Bon, alors, si vous voulez dire je suis en train de faire telle ou telle chose, vous direz sto, suivi d'un verbe en ando ou endo. Ando pour les verbes en are et endo pour tous les autres. Donc, sto preparando, oui, parce que c'est un verbe en are, preparare. Avec ando et endo, soit on colle lo à la fin, sto preparandolo, je suis en train de le préparer, soit on le met tout au début, lo sto preparando. Lo sto preparando. Bon, maintenant, je le préparerai. Lo preparo. Vous avez trop raccourci là. Lo prepararo. Presque. Que dévions le a de are quand on met le verbe au futur? Ah oui, je me souviens. Preparero. Preparero. Voilà, c'est ça. Au futur, les verbes en are ne donnent pas aro, mais ero. Préparerò. Oui. Lo préparerò. Lo preparerò. Voilà. Sans oublier qu'au futur, on insiste sur la terminaison. Sur le ro. Ro et Ra. ra. Et remo pour le nous. Remo. Là, par contre, vous constatez qu'on n'insiste pas sur le dernier o, mais sur le e qui précède. Prépareremo. Comment diriez-vous maintenant quand le préparerez-vous pour moi? Quando? Quando? Quando lo Quand le préparerez-vous pour moi? quando lo preparerà? Partez de l'infinitif. Préparare. Oui. Maintenant, dites-moi, je préparerai. Préparerò. C'est ça. Préparerò. Je préparerai. Et maintenant, vous préparerez? Préparera. Voilà, oui. Et comment dit-on, vous le préparerez pour moi? Lo preparerà per me? Bien. Lo preparerà per me. Maintenant, reprenons notre phrase depuis le début. Quand le préparerez-vous pour moi? Quando lo preparerà per me. Voilà, vous y êtes. Quando lo preparerà per me. Et si vous voulez dire quand le préparez-vous pour moi? Quando preparerà per me? Non. Quando lo preparerà per me? Mais ça, c'est quand le préparerez-vous pour moi. C'est la phrase que nous avons vue juste avant. Mais si vous voulez dire simplement au présent, quand le préparez-vous pour moi? Ah, d'accord. Quando le preparare? Non. Prepare? Bon, reprenons au début. Comment dit-on je prépare? Préparo. Pas tout à fait. Attention à l'accentuation. Préparo. C'est ça. Au présent, on n'insiste pas sur la fin du mot. C'est au futur qu'on fait ça. Par exemple, dirò. On appuie sur le ro, qui est la marque du futur. Mais encore une fois, ce n'est pas le cas au présent, où on insiste sur la syllabe précédente. Préparo. Préparo, oui. Et donc, je le prépare. Lo preparo. Lo preparo. Et vous le préparez? Lo prepare. Bon, alors, pour dire je au présent, on a o pour tous les verbes quels qu'ils soient. Pour le vous du vouvoiement, le il, le elle, c'est e. On a soit a, soit e. A ou e. Le a, c'est pour les verbes en are. Et le « et » pour tous les autres verbes. Donc, comment dites-vous? Vous le préparez. Lo prepara. Lo prepara. Lo prepara. Maintenant, vous allez pouvoir me traduire la phrase que je vous demandais tout à l'heure. Quand le préparez-vous pour moi? Quando lo prepara per me? Voilà. Quando lo prepara per me? Bon. Alors, dites-moi maintenant, pourquoi ne le préparez-vous pas pour moi? Perché non lo prepara per me? Bien, perché non lo prepara per me? Alors, voyons maintenant, je le préparerai. Lo preparo, lo preparerò. Parfait, lo preparerò. Je le préparerai. Et maintenant, pouvez-vous le préparer pour moi? Può. Può, oui. Può lo preparare per me? Bon. Et vous? Comment diriez-vous ça? Può prepararlo per me? C'est ça! Può prepararlo per me? Donc, vous voyez qu'à chaque fois que vous avez un infinitif, c'est-à-dire un verbe qui se termine en are, ere ou ire, vous devez rattacher mi, la, lo, etc. à la fin du verbe et non pas les mettre devant. Si vous ne voulez pas les coller à la fin, vous pouvez les mettre tout au début. En l'occurrence, devant pouvez-vous. Ce qu'il ne faut jamais faire, c'est mettre « mais »,« lo », etc. immédiatement devant l'infinitif. Donc, dans la phrase que je vous demandais tout à l'heure, « pouvez-vous le préparer pour moi ?» Ça donne ?« Può prepararlo per me ?»« Può prepararlo per me? Ou autre solution? Lo può preparare per me? Bien! Lo può preparare per me? Les deux sont possibles.